C'est fou ça. Ça va bien. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. On pourrait les faire live. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit Maxime Lemieux Laramier avec sa chronique en télécharge quoi? Et Émilie Gauthier nous parle plein air dans sa chronique Veux-tu sortir avec moi à Assemblage requis. Yeah. Prochaine version de l'intro, on fait les effets sonores live. C'est pas pire. Bonjour, bienvenue à Assemblage Jockey. C'est l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce mardi 30 novembre 2010. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Et puis, c'est la dernière journée du mois de novembre. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de 31e jour? Non. 31e. 31 yé, non, on laisse ça pour le mois de décembre. Voilà, donc tant mieux, on est content, le mois est fini. Tout à fait. Movember, bye bye. Movember, à l'année prochaine. Ouais, on pourrait faire peut-être un an sur deux, mais non. C'est long, un 12e d'année, je trouve. C'est comme l'équivalent de 4 tiers. Mais c'est pour une bonne cause. Oui. C'est pour une bonne cause. Et puis, les hommes se mobilisent. Donc, ils se relancent un peu avec la moustache. Pour une fois qu'ils font le quoi d'important. Oh, et puis tu le vois. En fait, on croise souvent des gens dans le corridor qui arborent fièrement la moustache. Mais c'est très gênant, moi, je trouve, de le demander. Ah, t'es-tu dans Movember, toi aussi? Non. Mais tu sais, si tu poses cette question-là à quelqu'un qui est peut-être un pas jeune, mais tu sais, un peu de ton âge ou ce truc-là, c'est rare que le port de la moustache se fait sans le Movember. Ouais. Mais pour les personnes plus âgées, par exemple, c'est très touché. Oui, parce que c'est encore très tendance. C'est de la mode. On aime ça. On suit pas les modes ici, donc c'est correct. tantôt, on va appeler d'ailleurs des gens de nos moustachus, notre cohorte de moustachus. Oui. Pour leur... premièrement, leur merci de leur appui. Oui, parce que depuis le début du mois qu'ils se sont fait pousser la moustache pour nous, on leur a demandé comme ça en direct à la radio et puis il nous reste juste à les féliciter. Tout à fait. Et puis, Mathieu, j'aimerais, moi, te féliciter pour le site Internet de C'est fou. Oh, ben merci, ça fait plaisir. D'ailleurs, on peut voir Alexandre Lapointe avec sa moustache. Oui. Martin alias T-Bone. T-Bone! Pour sa moustache aussi. Mm-hmm. Et puis, c'est vraiment sur la page d'accueil, en fait, là, le bandeau noir. Là. Oui, il y a Danny January. Oui, Danny January. Zedvire. Et puis, moi-même, je suis tout à fait à gauche. Oh, je me suis mis en premier parce que c'est donc beau. Hein. Ah, t'es à droite. À gauche, complètement à gauche. Ah, OK, non, je suis sur Flickr. Ah, OK, oui, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Ben, notre page Flickr, d'ailleurs. Ah, t'es beau. En bas, t'es beau. merci. Vous, ça? Oui, c'est chez moi. Ouais. Avec mon poster de Mario Bros derrière, t'as vu? J'adore ta moustache. C'est très tendance. Et Fall of the Conchords aussi, de l'autre côté. Oui, très tendance. Le Flickr va être garni là, à souhait maintenant que c'est donc facile, un Flickr. Donc, on va se garnir, on va se gâter avec des photos. On va se gâter. C'est super beau. Aujourd'hui à l'émission, on a Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Je t'apprends rien là-dedans, c'est tous les mardis, ça? Oui. Oui. Et aujourd'hui, si je peux vous mentionner quelques sujets in a raffle. Qu'elle va aborder? Ou qu'elle va aborder dans sa chronique, pourquoi pas. Les pieds d'or de Tingwick, tourbière de Saint-Narcisse, parc cœur nature, sentier motorban, parc de l'île Melville, halte camping du lac Clair, énergie CMB. Ça ne se terminera jamais, tellement elle a de sujets dans ses chroniques. Hey, mais c'est fou, ça me surprend quand même qu'on ait tant d'espace dans le coin. C'est sûr qu'elle était un peu à l'extérieur. Un peu plus loin qu'avant, à un moment donné. Oui, c'est ça, pas le choix non plus. Faut sortir. Mais c'est vraiment intéressant. Oui, on la reçoit, elle, vers les 8h30 en fin d'émission. D'ici là, on a Maxime Lemularamé. Oui, tout à fait, aux alentours de 8h, qui va, avec sa chronique Télécharge quoi, qui nous présente des artistes. Et puis qu'on écoute des pièces en direct. On aime ça. Tout à fait. Et puis, vas-y. Quoi d'autre? Oui. Tu autre chose? Non, mais c'est ça. En fait, comme tu l'as mentionné, on va téléphoner des gens aussi pour le Movember. Et puis, une petite chronique peut-être... C'est un fait? Oui. Oui, tout à fait. Oui. C'est un fait, ça en vient tantôt, avec plein de choses à se dire. Mettre sous la dent. À se mettre sous la moustache. Sous la moustache, oui, tout à fait. Quand tu vas voir le barbier... En dessous du paillasson, derrière la cravate, sous le chapiteau, dans le ghetto. Ouais. Écoute. Donc, c'est un fait tantôt. On a aussi Regis O'Reilly. Oui, aux entourtours de 8 heures. Rechante-moi cette chanson-là. Pas capable. T'as les fêtes, t'arrives de faire un petit rigolo. OK, c'est bon, j'aime ça, je l'apprécie. Donc, Régis Sellerie tout à l'heure avec sa chronique « Quand la mort se fait originale ». On apprécie tout ce beau monde-là et puis vous allez les entendre pendant les deux prochaines heures. On va commencer l'émission avec El Motor. Moi, une pièce et un groupe que je trouve qui me met dans un genre d'environnement, une ambiance que j'adore. Voici la pièce « J'aime l'automne » de El Motor dans vos oreilles, dans votre radio. Assemblage requis. À peu près. La langue collée Métagruau et la pièce Banana. Assemblage Requis. Banana. T'aimes ça les bananes? J'adore les bananes. J'en ai amené une ce matin. Ouais, dans ton... Dans mon petit lunch. Petit lunch, oui, c'est ça. Ma copine me disait, Cher banane. Mange plus de fruits, tu sais. J'avoue qu'une banane, ça pourrait être bien. Pommes, pas tant. J'aime pas tant. Non, t'aimes pas les pommes? Pas tant les pommes. J'aime le goût des pommes, j'aime pas manger une pomme. C'est le thème des clémentines. Oui, j'avoue que clémentine, ça pourrait être bien ça. Clémentine, c'est très bon et puis ça arrive une fois par année, en fait, ouais. Avant les fêtes. Ouais. Puis, non, c'est excellent. Ils sont bonnes, ils n'ont pas de noyau. Donc, tu vois, là, tu viens de m'enlever un désavantage des clémentines. Là, il me reste juste l'éplucher, ça. Maintenant. C'est pas si pire. Ah, François. Yes. Ah, Colin, je me suis pas préparé à l'avance. Ça aurait été donc cute. D'habitude, je fais ça super bien, puis ça a l'air comme fluide, telle une envie. Hey, mais écoute, je sais ce que tu veux dire, mais ça va l'être. Ça va l'être, tu penses? Ben oui, tout à fait. Parce que, écoute, je te dis qu'on va appeler Guy. Guy? Est-ce qu'on va appeler Guy? Attention, est-ce que ça veut dire qu'on est supposé être dans la section moustache? Vas-y, mets ta moustache! Ah oui! C'est le moment de parler de moustache parce qu'on a des moustachis à téléphoner. Ah, je t'avais dit que ce serait fluide, telle moustache. Oui, tout à fait. On va appeler Guy. Guy qui m'a transféré sa photo par texto. Oh! Plutôt la semaine dernière, donc on l'appelle. On appelle Guy. OK, téléphone. Exactement. Attention, François est en train de composer. On appelle Guy dans le cadre du Movember, qui est presque fini. Il nous reste que le reste de la semaine ici à Assemblage Requis pour vous parler de moustache. Après ça, on n'en parlera plus pendant un an. Bon, ça sonne, ça? Ouais. OK. Supposé. C'est une surprise, je dis-tu genre bonjour, Guy? C'est ça? Guy! Oh, on va le surprendre. Ouais, peut-être qu'il dort. Il a dit qu'il fallait l'appeler de bonheur pour le réveiller. L'autre fois. Allez, Guy. Let's go, mon Guigui. Sinon, il laisse un message sur sa boîte vocale. Ça pourrait... Ben, allô? Ah, oh, Guy. Bon, Guy. Oui. Bonjour, Guy. Allô? Ça va? Oui. Hey, c'est François-Olivier et Mathieu d'Assemblage Requis, assez fou. Oui. Ça va bien? Est-ce qu'on te réveille, Guy? Ben, d'après toi. Tu nous as mis au défi. Écoute, ça nous fait plaisir de te réveiller. Hey, écoute, on t'appelle pour parce que, comme tu sais, Movember, en fait, se termine à grands pas. Ben oui, pas mal, hein. Et puis, on voulait savoir si ta moustache se portait bien. Très bien. Très bien. Elle est fièrement... Arborée. Arborée dans ta face. Oui. Ouais. Bon, merveilleux. Et puis, t'as aimé soutenir la cause? Ben oui, mais je te cacherai pas que je suis content que ce soit terminé. Ouais, on l'est tous. On est tous un peu tannés. Hey, merveilleux. Ben, Krim, premièrement, moi et Mathieu, on voulait te remercier. Oui. Ben, ça fait plaisir. De ton appui. Et puis, écoutez, Guy est un homme formidable. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus de Guy? Ben, qu'il a de belles moustaches. Ouais, belle moustache. C'est un beau compliment à donner à quelqu'un qui a une moustache. Belle moustache. On a vu ta photo. Et puis... On va la mettre sur le site internet. Sur le Flickr. Sur le Flickr de C'est Fou. Ouais. Donc, tu peux visiter le C'est Fou.ca. D'ailleurs, si tu vas sur le site, tu peux voir présentement, là, il y a Mathieu, il y a Danny, il y a T-Bone aussi qui arbore fermé la moustache. T-Bone. Et puis Alexandre Lapointe. Ok, et puis toi, t'es pas là, toi? Non, mais je me mets là, en fait, ben pas là. Ouais, c'est pas vulgaire, par exemple. Mais tantôt, en fait, là. Ouais, ça va être là tantôt. Donc, tu vas prendre une photo sur mon ordinateur, je pense. Donc, ouais, c'est ça, exactement. Mais le temps que tu te réveilles, Guy, que tu ailles dans la douche, ça devrait être fait. C'est bon. Hey, fait que merci encore, puis écoute, je te rappelle. Ben, bonne journée. Yes. Merci, bye. Salut, bye. Guy. Est-ce qu'on va faire d'autres défis à Guy un jour? Ça pourrait être la chronique hebdomadaire. Guy, qu'est-ce que tu fais? D'après toi. Qu'est-ce qu'on fait faire à Guy? Hey, Guy, on travaille-tu? Ben, d'après toi. Okay. Ça, c'est sympathique, j'aime ça. C'est très cool. Bravo. Oh. Quel être. Ouais, quel être formidable. Ben, oui. Alors, on appellera quelqu'un d'autre tantôt. Pour l'instant, on va retourner en musique. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, merveilleux. On va entendre une pièce de la formation Le Couleur tout de suite dans Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Voici à 2 et 2 au 89.1 FM. 2 et 2 dans 2 secondes. On lève ta mousse! C'est pas pire, là. Ah, je l'aime bien. 9h à C'est fou. C'est fou, ça. 89.1. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. L'embarras du choix, c'est fini. C'est lui qui t'a choisi. Sur ton front, il vient t'écrire qu'il est faux ton sourire. Jamais qu'il consumait le pied, c'est là qu'il se promène. Johnny Malaise sur ton casse le tien. Une main moite, tu lui tends. Il lui crache dedans. Par la pire insulte, il te frappe. Pour que ton petit cœur dérape. Les pieds, c'est là qu'ils se promènent. Johnny Malaise sur ton chemin cassant le sien. C'est là qu'il se promène. Johnny Malaise sur ton chemin cassant le tien. Oui, il est seul. Il n'a pas d'amis. Mais il est cœur fragile. Notre ami au nom impossible à retenir, Jérôme Dupuis-Cloutier, et la pièce Johnny Malaise au 89 FM, c'est fou. Est-ce que tu retiens ça, Jérôme Dupuis-Cloutier? Non. Non. Johnny Malaise, oui, mais... Oui. Il devrait juste s'appeler Johnny Malaise. Ouais, ça pourrait être bien. Ou Jerry Dick. Jerry Dick? Jerry DC. Ah ouais. Dupuis-Cloutier. Tout à fait. Je sais pas à quoi je pensais, là. Oui, bon, donc, à Assemblage requis, c'est le moment de continuer avec nos moustaches dans notre segment à Movember. Vas-y, mets ta moustache! C'est la dernière semaine du Movember, donc on va entendre cette pièce assez souvent. On rappelle qu'on a appelé tout plein de gens au début du mois et que là, on les rappelle pour les féliciter, leur demander si leur moustache est encore là pour certains, parce qu'on les avait pas tout appelé, hein, c'est ça? Non, tout à fait. Et puis, écoute, on se cachera pas qu'on a perdu un soldat. Oui, un soldat est mort au combat. Ouais, on l'a su la semaine dernière, si je me trompe pas. Mm-hmm. À peu près. Ouais. À peu près. Donc, Sébastien Richard qui a dû enlever sa moustache. Ah, une moustache décédée. Oui, enlève ta moustache. Et puis là, on va appeler Jean-Philippe Ayotte. Le président du CA, du CA d'administration, hein, du conseil d'administration de CIFU Zone Campus, le groupe des médias des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est ça. Et puis, oui, tout à fait, on va l'appeler. Par contre, j'y pense aujourd'hui, mais on aurait dû prendre la photo hier parce qu'il était dans nos studios hier. Donc, tellement sur son divan qu'il nous a amené dans nos bureaux. Exactement. Donc, ben, on le remercie pour ça aussi. Donc, on appelle Jean-Philippe Ayotte, président du conseil d'administration de CIFU Zone Campus. Ça sonne déjà quand... Là, j'ai des grosses craintes quand... À sa réponse. Oui, tout à fait. Tu penses qu'il n'est pas là? Soit peut-être qu'il travaille. Qu'il a vu ton numéro parce que c'est de où on appelle. Ça pourrait arriver. Peut-être, je ne sais pas. On a eu du succès tantôt. S'il travaille, c'est sûr qu'il répond pas, il n'a pas le droit. Ah. On a encore des chances. Ouais, Guy, ça a été long. Oui, oui, oui. Vous avez joint la boîte vocale. Boy, boy, boy. Attends. Plate. Jean-Philippe. Oh! Salut, Jean-Philippe. Il y a un beau message de boîte vocale. Il est simple, en tout cas. Mm. Ouais. Mm. Fait qu'un succès, un échec total. 50%. Et voilà, la moyenne n'est pas si payée que ça. Mm. Ouais. Mm. Non. Ben écoute, on peut rester plus tard, peut-être qu'il... À la limite, tu peux peut-être essayer d'envoyer un petit texte. OK, bon, ben fais ça pendant qu'on écoute Ariel, qu'on avait dans nos studios très récemment. Voici leur pièce Mauve. Ça s'est bien passé, ton entrevue. Tu les as trouvés fort sympathiques. Super gentil, vraiment, là, vraiment très gentil. Et d'ailleurs, je prépare une émission spéciale d'une heure avec Ariel dans les prochains moments, prochains jours, semaines, moments. Donc, surveillez ça sur le site de CIFU.ca. Ça va être Ariel en noir et rose. Donc, pour l'instant, voici Ariel et puis Mauve. On parle de couleurs. Ça. Des couleurs. T'en connais-tu d'autres couleurs que mauve, rose puis noir? Non. Vert. Non. Vert. Ah, peut-être. Les sapins de Noël. Ah, ouais, ouais, ouais. I'm not. Ariel est la pièce mauve sur leur album Après le crime. Ariel, formation qu'on adore ici et qu'on fait jouer pour vrai. Tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour. Hein? Tout à fait, parce que des fois, il y a des stations qui les reçoivent puis qui jouent même pas. Peut-être, en entrevue, mais... mettons, un soir de semaine, mettons, avec une performance live, peut-être, mettons. Je trouve ça très drôle, pour vrai. C'est vraiment une mentalité assez bizarre. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Vous êtes à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Maintenant, François-Olivier Marchand, tu m'as fait une suggestion et je vais la prendre en considération et l'exécuter à l'instant même. Poste d'écoute! On va mettre un bon petit disque que tu nous as amené. Bedouin Soundclash, le dernier album qui s'intitule... S'intitule Light the Horizon et on va mettre ça à l'intérieur du poste d'écoute d'Assemblage Requis. Oui, on met Bedouin Soundclash dans le poste d'écoute. On vous rappelle que le poste d'écoute, c'est le segment d'émission, un segment récurrent où on met un CD dans le lecteur et puis on l'écoute juste pour la première fois, comme ça, sans trop savoir de quoi ça a l'air. Là, c'est un nouvel album. Mais je pense que, écoute, je peux peut-être me tromper, mais je pense que c'est une valeur sûre dans le sens que Bedouin Soundclash, ça fait un petit bout que ça existe. Oui. On a déjà écouté, on sait ça ressemble un peu à quoi. En plus, il y a une pièce qu'on va faire jouer qui est avec Cœur de Pirate. Oui, la jolie et séduisante Cœur de Pirate. Cœur de Pirate qui a beaucoup roulé ici, assez fou. Donc, je me dis qu'on peut peut-être... D'après moi, c'est pas une valeur, ça. Mais, bref, on l'a pas écouté, fait qu'on sait pas. Je pense que t'as raison. Allons donc écouter la pièce Brutal Hearts featuring Cœur de Pirate par Bedouin Soundclash sur leur album Light the Horizon. Donc, assemblage. Sur C'est fou. Le poste d'écoute. El Pedro. Shut up. Just shut up. Are you the brutal heart? Are you the brutal heart that I've been looking for? 'Cause if you're looking for love, you can look for that door. Le poste d'écoute. Sound Clash et l'album Light the Horizon. On a entendu deux pièces de cet album-là. Ça, c'était May You Be the Road. C'était précédé de Brutal Hearts featuring Cœur de Pirate. Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu à ce à quoi je m'attendais. Ouais, moi, je connaissais pas tant. Non, mais c'est tranquille. Un peu, ça tire un peu sur le reggae. Reggae émotionnel, mettons. Reggae émotionnel, non? Tout à fait. C'est un groupe canadien, d'ailleurs. Hein? Ça vient de Kingston, en Ontario. Oui, tout à fait. Puis, tu me disais ce matin, je pense, que. Le chanteur ou en fait un des membres sortait peut-être avec Cœur de Pirate. Je sais plus. Les potins, je suis un petit peu mêlé là-dedans, moi et les potins, hein, tu me connais. Ouais, mais ça se peut dans le sens que Cœur de Pirate fait un featuring sur la CD, donc ça peut être fortement le. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Allez voir bedwinsoundclash.com. Bedwin, c'est B-E-D-O-U-I-N, hein, pour ceux qui savent, B-E-D-O-U-I-N, soundclash.com, ouais. J'appellerai pas le reste, ou encore myspace.com/ Bedwin Soundclash sur les différents internets. Je mettrai les liens sur assemblagerequis.com, bien sûr. Bon, moi, c'est pas mon genre, même. Non. Pas sûr que j'écouterais ça si souvent que ça. Pas convaincu. Non. Pas convaincu. Mais je pense que c'est plus. En tout cas, je peux me tromper aussi. Et puis, je veux pas non plus donner un sexe à la musique. Mais c'est pas musique de fille. Ben, pour vrai. Ouais. Je pense que oui. Là. En fait, ta copine, mettons, tu mets ça, tu soupes. Là. Ah oui? Ben, peut-être. Écoute, quand même, t'en connais. Non, mais je sais pas. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Non, mais ou tu sais, des fois, Noël arrive, vous savez pas quoi donner. Peut-être à votre cousine, tu sais, qui est quand même âgée, mais tu sais, qui. Je pense que ça peut être un bon truc. Au lieu d'acheter comme un Maxime Landry ou vraiment aller quelque chose de meilleur. De meilleur! Bon, c'est bien dit ça. C'est bien dit. On va l'entendre, la capsule de Richelerie. C'est là qu'on est rendu. C'est Quand la mort se fait originale, capsule numéro 11 de la série de ce nom, par Richelerie, professeur et homme d'expérience et d'intelligence. Non? Ah, oh, tout à fait. J'ai rien d'autre à rajouter. Je sais. Mais c'était excellent aussi. J'ai entendu hier, il était en direct dans l'émission du Dîner de Con. Oui, avec Denis Janvier. C'est le dernier lundi de chaque mois. Je le trouve tellement brillant, cet homme-là. Là. C'est vrai. C'est cultivé. Ben, écoutons-le. Voir. Écoutons-le. Ah, OK. Et voici maintenant une capsule de la série « Quand la mort se fait originale ». Présenté par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Maître Vallandigham, une conscience professionnelle à couper le souffle. Clement Laird Vallandigham est né le 29 juillet 1820. Avocat de formation, il se lance en politique dans les années 50, ce qui lui ouvre les portes de la Chambre des représentants de l'Ohio sous l'étiquette démocrate. La guerre de sécession le confirme comme violent adversaire du président Abraham Lincoln. On le considère même comme un pilier de la faction des Copperheads, ces nordistes pacifistes qui, selon les républicains, souhaitent la victoire du Sud. Vallandigham occupe l'avant-scène des revendications. Ses critiques acerbes frôlent la haute trahison, ce qui lui vaut d'être arrêté le 5 mai 1863. Condamné à 2 ans de forteresse, peine commuée ensuite en bannissement, il finit par se réfugier à Windsor, en Ontario. Après la guerre, il retrouve sa profession d'avocat à Lebanon, en Ohio. quelques années plus tard, soirée du 16 juin 1871. Maître Vallandigham discute avec quelques confrères dans sa chambre d'hôtel. Demain, les avocats doivent assurer la défense du dénommé Thomas McGeehan, accusé du meurtre par arme à feu, du dénommé Tom Myers, au cours d'une rixe qui aurait mal tourné dans un bistrot de la ville. Vallandigham est persuadé que Tom Myers s'est en fait malencontreusement tué lui-même en voulant sortir un revolver de sa poche pendant qu'il se remettait debout, probablement après avoir été projeté à terre dans la bagarre. C'est autour de ce scénario qu'il veut donc monter l'argumentation de la défense. Professionnel jusqu'au bout des doigts, l'avocat prend un des deux pistolets qu'il avait posé sur son bureau et mime la scène pour convaincre ses confrères de la recevabilité de son hypothèse. Il mime si bien la scène que le coup part, car des deux pistolets, un seul était chargé et c'est malheureusement celui qu'il venait de prendre par erreur. Le lendemain, 17 juin, il meurt de ses blessures, alors que ses confrères parviennent à persuader les jurés que l'hypothèse de feu Maître Vallandigham est tout à fait pertinente. L'accusé, Thomas McGeehan, est acquitté par le tribunal et remis de suite en liberté. Liberté dont, espérons-le, il profita pour se rendre au cimetière Woodland de Dayton et y fleurir la tombe de son défenseur, Maître Vallandigham, dévoué à la cause de son client au-delà même du raisonnable. Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou. On vous rappelle que Régis Solerie a une chronique dans l'émission Le Dîner de cons, le dernier lundi de chaque mois. Et puis là, elle va rejouer dans les meilleurs moments, ce qu'on appelle le meilleur de C'est fou. Ça a lieu vendredi entre 6h et 9h. On rappelle samedi à 13h. Donc, si vous avez raté sa présence en direct dans Page de science, sa chronique du Dîner de cons, c'est dans les meilleurs moments que ça se passe. Et puis sinon, ben, Régis, on le retrouve toutes les semaines avec sa série Quand la mort se fait originale. C'est les mardis, le matin, à Assemblage requis entre 7h et 9h. Tout à fait. Ensuite? Le dîner de con, à midi. Ouais. Et puis, entre rock révélé et réanimation, aux alentours de 21h. Oui, dépendant des semaines, des fois, c'est entre la sécheuse et réanimation. Et l'autre semaine, ouais, ce sera rock révélé, réanimation la semaine d'après. Et l'autre après, je pense encore, c'est la sécheuse et réanimation. Puis après ça, 7 janvier, je pense, rock révélé, réanimation. Ah, c'est ça. C'est ça. Ça dépend des semaines, mettons. Vers 21h le mardi. Vers les 9h p.m. Heure de l'Est. Heure de l'Est. Heure normale de l'Est. Oui, c'est ça. Heure normale. Mais je ne sais pas s'il faut préciser. C'est parce que tu as heure avancée et heure normale de l'Est. Mais si, en général, tu dis heure de l'Est, ça englobe tout, non? Je pense que oui, moi. Probablement. Parce que moi, c'est ce que je pense. Mais bon, à un moment donné, je ne sais pas tout. Hein. Faut demander à Régis. vous êtes toujours ensemble à Chucky. C'est la fin de la première heure sur ces absurdités et obscénités. Obscénités auditives. Voilà. on se retrouve juste après l'Info Campus avec Maxime Lemieux-Ramé et sa chronique Télécharge quoi. On sait pas encore de quoi il nous parle, mais on sait que c'est ses découvertes musicales en général. Je sais pas. Ben oui, tout découvertes musicales entre Rock Révélé et La Sécheuse. Et Réanimation. Réanimation. Cadant pour mon moral, j'en branle l'or. C'est fou ça, 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Moi, je suis d'avis qu'un petit deux secondes de silence, ça attire l'attention, ça rajoute du suspense. Tout à fait, Mathieu. Ça fait comme « Ah, mais Colin, tu sais. » Tout est qualifié. De retour à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mardi 30 novembre 2010. Lui, c'est François Limard. Lui, c'est Mathieu Plante, arborant fièrement la moustache vers la fin aussi. Là. On approche du deadline pour... Movember. C'est l'affaire coupée. Ouais, ben toi aussi, tu t'es rasé le reste. D'habitude, ça paraissait quasiment pas que t'avais une moustache. Ça paraît-tu? J'en ai une. Là, ça paraît, je l'aime beaucoup. Et puis, j'ai opté pour le look Mario Dumont, en fait, un peu plus long. Non. Mario Dumont, pour réussir à faire ça, il faudrait vraiment que tu te couses un rat dans la face. Puis c'est pas le cas, là. Ouais, mais lui, ça descend, en fait, sous le bord des commissures, là. Donc, j'ai des comment? Des commissures. Des commissures? Ouais. Ah, j'étais pas au courant. Non? Ah, ben, Caroline, tu m'en apprends. Ben, écoute, c'est de famille, là, qu'on disait ce mot-là. Je sais pas si c'est le terme exact, là. OK. C'est comme c'est l'intérieur, bouche, les jointures de bouche. Les jointures de bouche. Si on veut. Ah, ben. Ouais. C'est là où ça pique tout le temps, la montre moustache. C'est comme ça, hein? Mais tu sais, t'as jamais entendu « Lève-toi les commissaires », non? Pas en tout, non. Je sais pas, je vais aller voir. Va chercher, peut-être que ça veut dire un membre du Parlement canadien. Peut-être qu'on est fucké raide. Un commissure. Bref, tout à l'heure, on va recevoir Maxime Lemieux-Ramey avec sa chronique « Télécharge quoi ». On l'attend, il s'en vient, ça sera pas trop long. Hein? T'as-tu cherché le commissure? Non. Ah, ouais, oh! Ben, en anatomie, une commissure est un moyen d'union entre deux parties, par exemple la commissure du cerveau ou des lèvres. Ah! Donc, on avait raison. Ou la commissure gonnerie. La commissure gonnerie. Gonnerie. Après ça, la commissure bastarache. Ah, c'est ça. Bastarache. Bastarache. Ah, me fait pousser à bastarache. Pousser à bastarache avec mes commissures. Ça pousse très, très vite. J'ai écouté la commissure hier, là. Ah oui, dans ma machine, en train de lire mon répertorie. Bon. Ton répertorie. Ou directorie, je sais plus trop quoi. Ah, répertorie, j'adore ça. Je pense que c'est directorie, par exemple. Oh oui, mais répertorie, ça sonne mieux. ça se répertorie mieux. Panache, Bouvier, Bernois. C'est bon. Ça t'a-tu pousté la bastarache, ça, y a un peu? Ça m'a tout pousté dans la face. Mais écoute, t'es pas longue, cette pièce-là. Non, elle est vraiment pas longue. Elle prend même par surprise, par moment, je te dirais. Par derrière. Vulgaire. La porte par en arrière. Colin, tu t'en portes un peu, là? Je m'en porte beaucoup. Tu te retiens pas, là? Là, je me retiens. Ouais. Penses-tu que c'est comme pas écoutable, ce bout-là d'émission? Non, c'est pas si pire. Ouais, ça pourrait être pire. Ah, ça pourrait facilement être pire. Regarde-moi ça, on va faire une chronique, c'est un fait. Allô? Ben là. Mathieu. Allons-y avec des faits véridiques, véritables et vérifiables. Tout de suite, dans l'assemblage requis, on aime bien ça, des faits comme ça, on va les bien rapide. Commençons avec mon préféré. Non, pas vraiment. Connais-tu le Truman Show? Truman ben oui. Show Delusional. Delusion. Quelqu'un qui serait délusionné par Truman Show. Bref, c'est une maladie mentale qui est marquée par la croyance du patient. Il croit qu'il est dans une émission de télé-réalité. T'es pas sérieux? Dans une émission de télé-réalité imaginaire. C'est vrai un syndrome qu'on peut avoir, une maladie. Je sais pas ça. On invente nos propres maladies. Et voilà. Savais-tu que le briquet a été inventé avant l'allumette? T'es sérieux? C'est vrai. Ah ouais. Le premier briquet a été produit en 1816 par un chimiste allemand qui s'appelait Johann Wolfgang Dobberheiner. Ça s'appelait la lampe de Dobberheiner. C'était une cartouche très dangereuse remplie d'hydrogène et un catalyseur de platine. Bref, c'était ça qui partait le mécanisme. Ça devait être gros, en fait. Ça devait pas être traînable dans les poches. Là. Ah, bonne question, bonne question. Les briquets ont pas commencé à être populaires avant que Zippo les produise en masse dans les années 1930. Ah, intéressant. Alors que les réactions chimiques qui ressemblent à des allumettes ont été créées au début du 17e siècle, ou en général dans le 17e siècle, avec la découverte du phosphore. Mais la vraie allumette elle-même n'a pas été inventée avant 1827. Cette année-là, un chimiste britannique du nom de John Walker a fabriqué des allumettes avec de longs bâtons, avec du, en anglais, je vais le dire, antimony sulfide, ou du soufre, je crois, potassium chlorate. Le chlorure de potassium. Genre, bref, des trucs comme ça. Il appelait son invention le Congrève. Ah, oh. Congrève. Pas mal. Un autre fait, les résidents d'un village en France n'ont pas le droit de mourir. Ça va être ça? C'est le cimetière de Sarpourinx ou Sarpourin qui est plein. Un cimetière en France qui est plein. Fait que si tu meurs. Ben, c'est ça. Tu vas avoir des frais. Le maire de ce village de 260 personnes, Gérard Lalanne, a adopté une loi qui dit que toutes les personnes qui n'ont pas de terrain précédemment acheté dans le cimetière et qui veulent être enterrées à Sarpourin... Dans ce cimetière. C'est ça, n'ont pas le droit de mourir dans le comté ou dans l'endroit. Bref, sinon, ils vont être sévèrement punis. Ben oui. Eh, hey, sac, hein? Y en a qui perdent du temps. J'imagine que ce serait la famille qui serait punie, en ce cas-là. Ouais, j'imagine aussi. Là. Lui, il s'en sac pas mal, là. C'est mort. Là. Mm-hmm. Je pense que c'est pas le dernier de ton souci. Hier, je parlais d'escargot avec Danny Janvier du Dîner de con. Okay. Ouais, qui m'a mentionné une bonne recette d'ailleurs d'escargot, que vous lui demanderez. T'aimes ça les escargots? Ah, j'adore les escargots gratinés, sérieusement, c'est un de mes dédés. It's one of my daddies. Donc, on parle d'escargots dans le prochain fait. Par ailleurs, elles sont hermaphrodites. Ah ouais? C'est vrai. Chaque escargot a les organes masculines et féminines. Les escargots sont aussi considérés comme matures sexuellement à l'âge de 1 an. Parce que la vie complète d'un escargot est entre 5 et 7 ans. Ce qui veut dire qu'ils doivent se dépêcher pour réussir à reproduire, à garder ça en vie, les escargots, si on veut. Aussi, les organes reproductifs de l'escargot, les deux styles, sont en haut de leur corps. Je ne sais pas si c'est pour l'accès plus facile. En haut de leur corps? En haut, sur le dessus. De la bête. Et voilà, c'était ça. Et quand tu manges des escargots, en fait, je pense que j'en ai jamais mangé. Non? Non. Tu manges tout? Ah, ben, c'est l'intérieur, là. Sans la coquille, là. Hein? Max, c'est ça, lui? C'est ça? C'est pas ça? Il est pas là de parler avant sa chronique. Non. C'est ça qu'il a pris comme règle. Prochain fait dans notre chronique, c'est un fait, pourquoi pas. Savais-tu que les hommes et les femmes ont eu des toilettes séparées pour la première fois à un bal à Paris en 1739? Non. C'est vrai. 1739. Quand même. Ouais. Et les femmes prennent un minimum de 60 secondes pour utiliser les toilettes, alors qu'un homme a besoin en moyenne de 35 secondes pour utiliser l'urinoir. C'est presque le double pour les filles, ça, là. Tout à fait. Normal, en même temps. Normal. On s'entend là-dessus. Aussi, vu que les femmes et les hommes, leur salle de bain, comment t'appelles ça? Un stall? L'endroit, il y a juste une toilette, là. Une cabine. Bien dit ça. Vu que les cabines prennent la même place dans les deux et que les urinoirs prennent moins de place, les salles de bain d'hommes peuvent accommoder plus de personnes que les femmes. Ouais, c'est clair. Ça c'est clair là-dessus, on s'entend. Ces deux raisons-là expliquent pourquoi chez les filles, ça prend plus de temps. Des fois, t'as plus une lignée devant la porte dans les endroits. Mais aussi, certains États aux États-Unis ont une loi qui appelle la Potty Priority Law, donc la loi de priorité des toilettes, si on veut, pour adresser ce problème-là. Ça reconnaît qu'il y a besoin de deux fois plus de toilettes pour femmes pour gars. C'est peut-être pour ça qu'à l'université, même, on a deux toilettes pour filles dans le pavillon des Rébeauchemins, alors qu'il y en a juste une pour les gars. Parce que selon la loi, il fallait deux fois plus de toilettes. Peut-être. Pour les filles. Peut-être. Pour les accommoder. Moi, je pense que c'est pour ça. Mais j'avais entendu dire que c'était pour une loi qui avait rajouté une deuxième toilette dans le pavillon des Rébeauchemins. Bref, on aime ça. En Nouvelle-Zélande, c'est un viol. Ça viole les droits des femmes de forcer une femme à attendre plus que 3 minutes pour se soulager. C'est quoi? Ça viole les droits? Ça viole les droits de liberté, le droit de... Ah, ouais? Ouais, c'est les droits des femmes. Si t'attends plus que 3 minutes. Ouais, c'est ça. Je sais pas si, okay. si officiellement tu peux te peindre tant que ça. Je sais pas comment ça marche. Et savais-tu que le 19 novembre, donc très récemment, c'était la journée mondiale des toilettes? La World Toilet Day? Non. Voilà. Avoir su. Avoir su, on aurait célébré. J'ai ramené un cadeau. Ah, ça va faire pour mes filles. On en fera d'autres une autre fois. On va accueillir Maxime dans les prochaines secondes. À cool. Ouais. T'en veux, mais c'est intéressant, Mathieu. Ouais. Moi, ouais, pour vrai. OK. Bon, ben, merci. OK. Donc. Ouais. Maxime est pas prêt, j'imagine, par exemple. Ah, ça s'en vient. Un peu? Ah oh, oui. Non. Là. Maxime, il veut pas parler sans que. J'ai allumé ton micro, il est juste. Il est là. Hein? Ah. Hey! Hey! Max! Es-tu prêt? J'ai amené mes notes, en tout cas. Bon, ben, on va retourner en musique d'abord pour quelques secondes, puis on viendra après te parler. Ça te tente-tu? Ouais, ça me tente. Ça va être mieux comme ça, hein? D'accord. Ouais. T'es arrivé un petit peu en retard, toi? C'est... Oh! Oh! Je me fais taper sur les yeux. Ouais, ben, pas littéralement, là, ça, on regarde ça pour plus tard. OK, go. WTF, tout de suite. Pour ça, tu vas être prêt, là. Oui. Pour il la fessée, prêt. Il est déjà prêt. Je suis prêt. Prêt pour la musique. Musique est pas prête. Ouais, prêt, elle joue. Elle est en train de jouer, hein. Elle joue, là. Ah, ah. Oh! OK, go et WTF à Assemblage requis sur C'est fou 89.1 FM. What the fun? What the fun? Ah, j'aime ça. C'est comme thank guy it's Friday. Ouais, peut-être. Thank you guy. Comme un gars, juste ouais. En général. Oh, ouais. Comme une personne. Comme Maxime Lemieux-Ramé, mettons. Yes. Maxime le meilleur ami, mettons. Caroline, pars pas. Genre. Hey, ah ouais. Pars pas. Pars juste pas, tu sais. Pars pas. Pars pas. Continue de même, pars pas. Pars pas. Pars pas du tout. Bon, c'est pas grave. Mais un starter, peut-être. On va commencer ça. Commence. Okay. Vas-y. Bonjour. T'avais pas pantoute. Bonjour, Mathieu. Maxime. Ouais, Mathieu. Mathieu puis Maxime, là, toi, ça t'arrive-tu avec les gens? Moi, tout le monde m'appelle Mathieu. Tout le monde se trompe tout le temps. Ben, sais-tu quoi? J'ai un cousin qui s'appelle Maxime et un cousin qui s'appelle Martin. Pis Maxime, là, Martin, Mathieu, Plante. Fait que mes grands-parents, mettons, toute la famille se trompe tout le temps. Ouais. C'est normal. Hey, je l'ai ton thème. Ah ben ouais. Ça veut maintenant. Fait que Maxime le meilleur ami, hein? Télécharge quoi, tu sais? Comme Jean-Cyl. C'était pas aussi mystérieux qu'habituellement. Non, c'était pas aussi fluide que ça aurait pu l'être, mais quand même. T'sais. C'est mieux que rien. It's OK. C'est très proche de rien, mais c'est mieux. Donc, Maxime, le meilleur ami avec ses découvertes musicales de la semaine. Quoi exactement, de neuf? Exactement. Donc, partons. Alors, let's go! Pow! Aujourd'hui, je voulais parler de Iron and Wine. Mm-hmm. Puis, en parlant de Iron and Wine, je me demandais... Toi, je me suis saoulé hier, non? Wine, ouais. Mais Mathieu, toi, tu dis-tu... Iron ou Iron? Iron. Personnellement, c'est comme toujours... Iron Maiden. Il y a du monde qui dit Iron Maiden, mais c'est-tu Iron? Ça dépend de l'accent, ça dépend de où tu viens. Okay. Il y a des gens qui vont dire Iron, il y a des gens qui vont dire Iron. Ouais. Tu sais, qui dirait dans les films français, Aaron. Aaron. Aaron. Iron Midon. Aaron. Aaron Midon. Iron Midon. Non, c'est ça, je me suis astiné récemment avec des membres de ma famille mais sérieusement, sur y a, ce sujet. Il y a tellement de mots qui se prononcent différemment selon différents accents, puis ça cause des chicanes. Il n'y a pas besoin d'avoir de chicanes. Non. Ça dépend des gens. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui parle pareil. Hein? C'est ça. Donc, extrait du tout prochain album de Iron and Wine. Alors, c'est exactement. Alors, la faut dire Vino. Vino. Vino. Alors, la pièce est disponible sur MySpace. Ça s'appelle Walking Far From Home et ça va être sur l'album Kiss Each Other Clean. Kiss Each Other Clean, c'est drôle. Ben oui. S'embrasser proprement. C'est ça. Alors, c'est important. Ouais, c'est important. Alors, l'album sort le 25 janvier 2011. 2011. Alors, on écoute ça. C'est supposé être un peu plus pop qu'habituellement. Je le découvre en même temps que vous. Colin, tu le dis en plus. From home, where the names were not burned along the wall. Saw a building high as heaven, but the door was so small. Door was so small. I saw rain clouds, little babies, and a bridge that had tumbled to the ground. I saw sinners making music, and I've dreamt of that sound. I was walking far from home, but I carried your letters all the while. I saw lovers in a window whisper, warn me like time, warn me like time. I saw sickness blooming fruit trees. I saw blood and a bit of it was mine. I saw children in a river, but their lips were still dry. Lips were still dry. I was walking far from home, and I found your face mingled in the crowd. Saw a boat full of believers sail off talking too loud, talking too loud. I saw sunlight on the water, saw a bird fall like a hammer from the sky. An old woman on a speed train, she was closing her eyes, closing her eyes. I saw flowers on a hillside, and a millionaire pissing on the lawn. Saw a prisoner take a pistol and sing, join me in song, join me in song. Saw a car crash in the country, where the prayers run like weeds along the road. I saw strangers stealing kisses, living only their clothes, only their clothes. Saw a white dog chase its tail, and a pair of hearts carved into a stone. I saw kindness and an angel crying, take me back home, take me back home. Saw a highway, saw an ocean. I saw widows in the temple to the Lord, naked dancers in the city. How they spoke for us all, spoke for us all. I saw loaded linen tables and a motherless coat, then it was gone. I saw hungry brothers way down with a radio on, radio on. I was walking far from home, where the names were not burned along the wall. So a wet road formed a circle, and it came like a call, came like a call from the Lord. Oh, oh, oh, bonne nouvelle. Ouais, ben c'est ça. C'est comme je dis, tu sais, tu prends les cerises. Les cerises. Pepto-Bismol. C'est quoi ça, la sauce que tu dis? La sauce Louisiane. La sauce Louisiane, c'est ça. Sur le Pepto-Bismol, c'est bien ça? Ben, un va après l'autre, là, mais je vous laisse deviner l'ordre, comme, tu sais. Mais cerise, Pepto-Bismol. Pas l'original. Bien important. Pas parce que c'est l'original que c'est le meilleur, là. Non, non, non, non, non. Alors, la pièce qu'on a écoutée, c'était Iron and Wine. En fait, c'était le groupe Iron and Wine, la pièce Walking Far From Here, qui va être sur l'album Kiss Each Other Clean. Qui va sortir fin janvier, 25 janvier. Parfait, ça. Alors, c'était doux, hein? Oui, c'est calme. Ouais, c'était comme langoureux, presque. Oui, sexy, séduisant. Et, sexy, séduisant. Sexy. Huilé. Ouais. Alors, autre artiste dont je veux vous parler, c'est ça, genre, la difficulté à le prononcer, c'est... Toro y moi. Ah, c'est pas super. Toro, faut y aller avec un accent espagnol. Toro y moi. Et moi, alors, moi. Non, je me dis que c'est moi comme un jeu de moi avec du français. Ben, j'ai écouté des interviews, des entrevues justement pour savoir comment le dire, puis ils disent Toro y moi. Ok, ben ça a du sens parce que c'est, on l'entend souvent même en anglais dire moi juste comme parce qu'ils savent que ça veut dire me, tu sais. Ou soupe du jour. Soupe du jour. ananas. baguette. Alors, là, je suis obligé de le répéter. Toro y moi vient de la Caroline du Sud. C'est un artiste un peu... en fait, c'est un artiste solo, mais ça sonne aucunement solo. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à Caribou. On dit du chill wave ici. Je trouve ça vraiment cool comme terme. Ouais, c'est cool. Chill wave. Chill wave, c'est chillax. Moi, je fais du chill wave. Mm. Donc, ce qu'on va entendre, c'est un simple qui s'appelle « Leave Everywhere ». Ça fait quand même... Je pense que c'est comme dans ses débuts des mots. C'est le label, l'étiquette de disque, en fait, qui a sorti deux petits vinyles. Tu sais, ils font souvent ça hein, pour promouvoir peut-être une toune ou un démo. Ouais. C'est marketing. Un vinyle, parce que c'est ça, c'est super à mode. Hein, oui, c'est... Je cherchais un mot. C'est vraiment c'est à la mode. À la mode, ouais. Tendance. C'est tendance. Et tendance. Buzz fucking. Ouais. Donc, mais tout ça pour dire que Toro y moi ouais. A déjà sorti un album en 2010, récemment, qui s'appelle Causers of This. Ça fait quand même depuis janvier dernier. Et puis, ce simple-là, c'est en attendant un prochain album, Underneath the Pine. Underneath the Pine. Underneath the Pine. Ça va sortir fin février. J'ai pas productif quand même. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce qu'on va aller écouter? Ça date de 2006. Mais ouais, c'est quand même deux albums en un peu plus qu'un an. Donc, je vous en reparle assurément parce que j'ai vraiment trippé sur cette pièce-là. Alors, pour l'instant, on va écouter Leave Everywhere, Toro et moi. C'est ça. Toro et moi. Assemblage. Requis. Requis. Abuser du snooze, par exemple. Toro et moi. Leave Everywhere. Mais c'est ça, je vous en reparle au mois de février, là, si je suis encore des vôtres. Si t'as pas enlevé ta chemise et puis t'as pas dit je démissionne. Je démissionne. Ouais, ouais, salut, boss. Je rentre plus. Jamais. Moi, puis toi, c'est fini. Donc, dernier artiste. Là, on fait ça express, hein, parce qu'il faut quand même aller travailler, oui, éventuellement. On est pressé. Dernier choix. Alors, Panda Bear, qui est... un artiste issu du collectif Animal Collective. Ouh, ça va être bon, donc. Ouais, moi, j'adore Animal Collective. Ouais. Puis, ça fait longtemps que je veux en reparler. Puis, Panda Bear, ben, ça ressemble énormément. Alors, c'est un des musiciens de Animal Collective, comme je le disais. Et puis, super prochainement, il va avoir l'album Tomboy, dont j'ai trouvé un simple sur les internets. Puis, le simple s'appelle Tomboy. Il sort quel album? Il sort. Tu me poses des questions comme ça, là. Ouais, c'est inscrit, hein, ici. Ben, il marque 2011, mais je pense que t'avais peut-être un mois. Ouais, un mois. J'en ai pas un mois, là, mais... J'en ai plusieurs, là, j'en ai 12 que je connais par cœur. Non, je sais pas. C'est pas écrit... Disons bientôt, éventuellement, dans un futur plus ou moins rapproché. Ouais, disons ça. Disons 2011. Non, je sais pas. Donc, on va aller, tout ça pour dire qu'on va aller écouter Tomboy de Panda Bear. Tout de suite. Oh. Pas compliqué, ça, il me semble. Ouais, c'est ça. Non. Ben, c'est putain. Hein? Arrêtez de me poser des questions. Hey, parle au singulier, s'il te plaît. Hey, vous voit. Ah. Du monde qui le font 2-3 fois par année. Des voyages. Les souvenirs, c'est bien beau, mais man, ça coûte cher, des souvenirs. Ouais, tout est mieux conservé. T'es bébelle. Moi, un MacBook Pro, ouais. Ça se conserve longtemps. Alors, c'était Panda Bear, ouais. Avec la pièce Tomboy. Tu aussi m'acheter un panda, tu sais. Ouais, un panda, ça, tu conserves ça au moins une douzaine d'années. Ça doit être fragile, par exemple. Puis ça pue après un bout de temps quand c'est mort. Bon, ben, salut les gars, il faut que j'aille travailler. Ah, ben oui, c'est vrai, t'es merci, monsieur... Monsieur Maxime. Le pirate. Le monsieur le pirate. Maxime, c'est vraiment comme un pirate. T'as la couverture de biscuits Graham, genre. Ouais. T'as du beurre de pinot dedans. Comme les biscuits pirates. Ben, exactement. C'est bon, les biscuits pirates, non? Je sais pas ce qu'il y en a pas. Caroline, que vous faites pas l'épicerie dans les bonnes rangées, ça? Donc, on remercie Maxime le Minaramé. On le retrouve la semaine prochaine. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. François-Olivier Marchand est toujours là. Et Mathieu Plante aussi. Les biscuits pirates s'en viennent, j'imagine, éventuellement. Ah ouais? T'en as amené? Ben, j'ai demandé à Émilie qu'elle m'amène ça dans sa prochaine commande. Là. On va voir si elle t'a bien écouté. C'est ça. On se retrouve juste après la pause avec Émilie Gauthier, sa chronique « Veux-tu sortir avec moi » et d'autres péripéties rocambolesques, absurdes et complètement stupides. C'est fou ça, 89.1. Assemblage Requis est une présentation de la Banque Nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec F.O. et Mathieu. C'est Assemblage Requis jusqu'à 9h à C'est fou. C'est toujours Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Tout à fait, c'est vrai ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il disait? Que c'est une présentation de la Banque Nationale. Et... Oui, de la Banque Nationale, El Banco Nacional. Tout à fait. T'aimes pas ça quand je dis El Banco Nacional? El Banco. El Banco. Non, ça fait Banco, puis Banco, j'ai jamais été chanceux à ça. La loterie, ouais. Ça coûte pas cher, par exemple, ça. Fait que quand tu perds, c'est pas pire. Et encourage pas les gens. C'est quoi, 50 cents? Je sais pas. Tu joues plus? Non. Non, ben moi non plus, je crois pas à ça, ces affaires-là. Bon. Ouais. Fait que c'est ça. Parles-tu de loterie une autre fois, peut-être? Ben oui. À la place, on va accueillir Émilie Gauthier. Voici sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Elle a la combinaison gagnante de votre cœur. Oh! Mathieu Plante, crooner. Crooner. Veux-tu sortir avec moi? Donc, ça, c'est Émilie Gauthier, sa chronique sur le plein air et les différents endroits où sortir en région et ailleurs. Et on a plein de sujets. On a comme un bingo. Moi, ce que j'ai retenu, c'est Saint-Narcisse. Ah oui? Je t'explique pourquoi, en fait, je viens de Saint-Maurice. OK. C'est tout. C'est une belle anecdote, tranche de vie. Croustillant. Ben oui, croustillante et panée et tout. Panée frit. Frit. Toute la patate. Ouais. Faites de la pub pour un mauvais restaurant, là. Non, tous les restaurants sont mauvais. OK, c'est bon. On est tous égaux. Sauf ceux qui annoncent assez fou, évidemment. Il n'y en a pas, donc c'est correct. Ouais. Donc, Émilie, on commence avec les pieds d'or de Tingwick. Ou Tingwick, ou Tingningwick. Je ne sais pas comment. Les pieds d'or. Moi, ouais, c'est comme ça s'appelle. Golden Foot. Ouais, surprenant. Mais de Tingwick, j'imagine. Je ne sais pas. Tingwick, ça sonne mal de toutes les façons qu'on le prononce, mais on va dire que c'est la moins pire. Tingwick. Okay. Tingwick. C'est un petit sentier qui débute derrière la salle municipale. Dans le fond, ça traverse un petit boisé. Sur la route, on peut admirer une chute, plusieurs espèces d'oiseaux parce qu'il y a beaucoup d'installations de mangeoires. Il y a plusieurs bancs qui sont installés le long du sentier. On peut admirer le paysage. La vue tombe aussi sur les jardins d'art, nature et oriental. J'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé ce que c'est. Mais d'après moi, ça doit être quand même beau, même à ce temps-ci avec la neige. Là, ça doit quand ouais, même... oriental, ça pourrait être beau. Oui, ouais, d'après moi. Fait que c'est vraiment tout petit. C'est 2,4 km de sentier accessible toute l'année, toute la journée. C'est environ 50 minutes de Trois-Rivières. C'est plus comme vers Victo ou dans ce coin-là. On demande une contribution volontaire pour y accéder. Donc, c'est pas gratuit, mais on y va. Mais quand tu dis, parce que ça fait une couple de fois que tu dis ça, une contribution volontaire, hein, c'est quoi? Y a-tu une personne à l'entrée, puis... J'imagine qu'il doit y avoir un petit pavillon à l'entrée, quelque chose comme ça, pour avoir des documents d'information sur la région. OK, comme, OK. Puis peut-être un croquis du sentier pour savoir où est-ce qu'on est. Avec une petite boîte vitrée, j'imagine, puis on dit ce qu'on veut. Ah, c'est... Pour avoir plus d'informations, au 819-359-2443, où on peut aller se procurer de la documentation au bureau municipal et à la caisse populaire de Warwick. Warwick. C'est pas là que t'avais été, le festival... La poutine? Ouais. C'est à Warwick, ça? Ouais. Du fromage, non? Warwick, c'est le fromage. Poutine, c'est à Drummond. Ouais, exactement. Donc, c'était à Drummond. Pas mal moins original que Warwick. Mais c'est pas grave. Alors, on rappelle aux gens que les informations que tu mentionnes sont sur le site internet d'Assemblage Requis ou assemblagerequis.com. Donc, un numéro de téléphone, un courriel, un site web. Retenez-les même pas. Vous pouvez les retenir si vous voulez. Mais assemblagerequis.com. En fait, c'est le seul à retenir. Assemblagerequis.com, seul là, il faut le retenir. Celui-là, il est difficile à rater parce qu'à un moment donné, il y a le nom de l'émission, .com. Hein? D'accord. Notre prochain endroit, c'est la tourbière de Saint-Narcisse. On entend souvent parler de tourbière en général dans tes chroniques. Et là, c'est le parc Cœur Nature de Saint-Narcisse. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, là, rapidement, je sais que l'année passée, j'en avais parlé un peu de la tourbière. Là, mais bon, une tourbière, là, dans le fond, c'est un marais, un terrain spongieux où il va se former, ça a l'air un peu dégueu, mais de la fermentation puis de la carbonisation partielle de certaines mousses. Puis au cours des années et des milliers d'années, ça peut devenir un nouveau terrain. Qu'est-ce qu'il y a de dégueulasse là-dedans? Un nouveau terrain? Fermentation et carbonisation? Il me semble que ça m'écœure un petit peu vite de même, mais c'est pas si pire. Pas si pire. Non. Ça, c'est où, à Saint-Narcisse? Ben, le parc Cœur Nature, là. Ouais? Oui. Parc Cœur Nature. Tu écriras aux municipalités à commercial.saint-narcisse.com pour plus d'informations. Parfait. Parce que je sais qu'il y a le nom m'échappe, là, le parc de la rivière Batiscan, qui débouche aussi une entrée à Saint-Narcisse. Mais la tourbière, on dirait que j'ai de la misère à voir aussi. Oui, exactement. Dans le fond, c'est une zone humide, fait que il faudrait que tu cherches une rivière qui aboutit là, ben, ou un ancien marais ou quelque chose. Il y a beaucoup de trails dans ce coin-là pour les quatre roues, ski roues, ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Et puis il y a les tours aussi, les tours d'électricité, là, les trails en fait souvent passent par là. Mais peut-être en fait. Sinon, c'est quoi? On peut écrire à la municipalité, tout simplement? Oui, c'est ça. Okay. Il n'y a pas de site web, là, puis peut-être qu'on peut trouver de quoi en écrivant à la ville. Ben, est-ce que ces endroits-là ont des adresses civiques? C'est une bonne question. Je suis pas sûr s'ils en ont. Ben, je pense pas vraiment. Non, c'est ça. C'est un parc. Fait qu'habituellement, ils disent à l'intersection de telle et telle rue ou des trucs comme ça. Là. Ça pourrait être une idée de donner une adresse. Ça ferait plus Google Maps 2010 copyright. C'est vrai. Ça se taperait mieux, je trouve. Mais bon. Bon. Bref. Ça, là, c'est un parcours en boucle qui nous amène vraiment à découvrir la tourbière comme telle. Le sentier est bordé par des boisés tourbeux où il y a des trottoirs en bois qui facilitent la circulation dans ces zones humides-là. Bon, ce temps-ci, c'est peut-être un petit peu moins humide, mais pour ceux qui n'aiment pas les insectes et l'humidité, c'est peut-être le fun de visiter pour une première fois ce temps-ci où est-ce que c'est plus dur, mettons. Le long des trottoirs, il y a des panneaux qui traitent de la tourbière, de la géologie, de la faune, de la flore. L'endroit est choisi par l'orignal pour se promener en toute saison. Oh. Oui. Donc, on a 2,8 km de sentier ouvert toute l'année, toute la journée. C'est gratuit. C'est environ, 35 minutes de l'université. Ça, c'est pas si pire, vraiment. Hein? Oh, ouais. L'allure. Ouais. Ouais. Donc, comme je disais, municipalité à commercial, Saint, complet, Saint-Narcisse.com pour plus d'informations. Sentier Montauban, notre prochain arrêt. Oui. Celui-là, il est un petit peu loin, par exemple, mais je me dis, il y a du monde qui habite à Chaoui, fait que c'est quand même proche pour eux. Tout à fait. Le sentier va prendre son départ sur le bord de la rivière Batiscan à Notre-Dame de Montauban. Il va longer la rivière sur un peu plus d'un kilomètre pour ensuite se rendre dans la forêt, destination le sommet du Mont Otis. Le Mont Otis se trouve à 325 mètres d'altitude, donc en haut, je pense que ça peut quand même donner une belle vue. On peut aller... Et le vertige, pour certains. Ben, peut-être. Non. Pour avoir un léger vertige, ouais. Un pont, des escaliers hauts, ça va me troubler parce que je vois en dessous de mes pieds. Ouais. Mais un mont, tu vois pas direct en dessous de toi, à moins que tu sois sur le bord d'une falaise, mais sinon, t'as une vue, mais ça descend. T'as comme pas l'impression de pouvoir tomber. Non, c'est ça. Puis à la limite, tu vas débouler sur 100 mètres, puis tu vas arrêter. Là. Fait que c'est pas si pire que ça. 100 mètres de débouler. J'ai perdu une grosse partie de mon vertige, mais côté altitude en montagne. Mais ça se perd, ça, ouais. Oui. Ouais. Ben, tu sais, ils disent, quand t'as peur des araignées, mets-toi-en une dans la main, puis à un moment donné, tu vas. OK, on dit ça. Donne pas des idées à François pour moi, toi. Ça a l'air vraiment niaiseux, mais j'étais allée en Gaspésie, puis tu sais, en Gaspésie, pour se rendre sur le. Pour descendre sur le bord de l'eau, c'est comme des petits escaliers pas très larges en métal que tu vois en dessous. Puis j'étais comme une semaine là, fait qu'à un moment donné, à force de descendre, tu vois. C'est vraiment haut, ouais. C'est vraiment. Ben, c'est quand même haut, je te dirais, là. Fait que tu vois en dessous tes pieds. Fait que tu te rends compte, à un moment donné, ben, gars, là, ça pas cassé. Puis je pense qu'à force de te confronter à ta peur, à un moment donné, tu t'y habitues, puis tu fais comme. Ben là, franchement, là. Mais bon. C'est peut-être pas de même pour tout le monde, mais moi, ça finit par s'arranger. Essayez de voir. Oui. Donc, le Mont Auban, le Mont Otis, en hauteur, rendu en haut, dans le fond, on peut admirer la rivière. Le sommet du mont est entièrement composé de quartz blanc. Donc, je pense que ça peut être quand même beau. Ben oui. Je serais curieuse d'y aller juste pour ça, je pense. Le parcours se termine aussi dans un petit terrain de camping. Donc, on a trois sentiers totalisant 7,3 km, celui se rendant en haut de 5,7. C'est ouvert à l'année, toute la journée, c'est gratuit, sauf que c'est environ une heure de Trois-Rivières, mais ça dépend où est-ce qu'on habite. Je pense que, tu sais, j'essaye de cibler le monde de la région, mais il y a du monde qui est à l'université d'un peu partout, là, donc... on peut se rendre au www.exitnature.com pour plus d'informations. La semaine prochaine, des suggestions de sortie en Afrique? Non? Non, je ne suis pas informée là-dessus, désolée. Okay. D'accord. Parc de l'île Melville, maintenant. Oui, ben ça, c'est quand même pas très loin, je dirais. C'est un parc situé tout près du centre-ville de Shawinigan qui est bordé par la rivière Saint-Maurice. Saint-Maurice. Mais on a entendu beaucoup parler de ce parc-là. Pas tellement bien, par exemple. Je sais pas si t'en as entendu parler. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait beaucoup... En fait, les gens, les hommes se rencontraient là pour se donner du plaisir. OK, bon. Vraiment, ils ont posé... Il y a eu beaucoup de comment je pourrais dire, d'intervention au niveau policière et puis municipal. Ils ont posé des caméras, ils ont fait beaucoup plus de ben, les policiers sont beaucoup plus présents sur les lieux pour empêcher ça, en fait, là, parce que je sais pas, parce que j'étais allé, puis il y avait... Ben ouais. En tout cas, j'ai pas assisté à rien de troublant. Là. Peut-être la prochaine fois, c'était chanceux. Mais c'est ça, c'était... Et puis ça choquait les gens, dans le sens que quand tu vas là avec tes enfants et puis tu surprends un homme ou deux, tu sais, ça peut... Ça pourrait peut-être éduquer les enfants aussi, mais bon. Passons au prochain sujet de retour à Émilie. Oui, donc, en tout cas, hein? C'est un parc, la fois, qui est constitué des deux îles. Il y a l'île Melville, qui est quand même l'île principale, et l'île Banane, que je trouve très drôle. Ah, bon, ben tiens, hein, c'est pour ça qu'ils vont là. Mais allez sur le site web, puis on voit vraiment l'île qui est vraiment une petite île en forme de banane. Je trouverais ça trop. Sur la première île, il y a un enclos où est-ce qu'on peut observer des cerfs de Virginie. Moi, j'aime mieux dire des bambis, c'est moins compliqué à dire. Oh! Des bambis. Cool. C'est un sentier de 3 km. Ensuite, sur la partie du sentier des chutes, on peut voir, dans le fond, le processus du lit asséché de la rivière avec les escarpements, les marmites, les gradins. Donc, peut-être un peu moins actif à ce temps-ci si c'est un peu gelé, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Avec le soleil d'hier, ça va tout fondre. Ouais, ça dépend vraiment des jours. Ouais, c'est ça. J'en parle quand même parce que ça se peut qu'après-demain, il n'y en ait plus de neige. Ça se peut que pendant les meilleurs moments, quand ça va rejouer, mettons, que ce soit, tu sais, correct. Mais demain, il annonce de la pluie, ouais. C'est ça. Il y a un belvédère au bout du sentier de la chute qui offre une vue sur le trou du diable, qui, je pense, est quand même quelque chose d'intéressant à Shawinigan. Puis aussi, ça l'offre une vue aussi sur les chutes de Shawinigan. Donc, c'est ouvert toute l'année, toute la journée. Gratuit, environ une demi-heure de l'université, pas même plus. www.illmelville.com pour plus d'informations. Puis vraiment, moi, en tout cas, quand je suis allée, il n'avait pas eu de problème. J'y avais été fin avril dernier, là, à la fin de mon dernier examen de session. Puis c'était vraiment un bel endroit, c'est pas trop loin, c'était paisible, puis on s'est fait du fun. Super. Il nous reste deux endroits. On va devoir se dépêcher un petit peu quand même. Halte camping du lac Clair. C'est un territoire de 35 km², sentier de randonnée en boucle qui font passer dans une forêt mixte. Il y a des arbres centenaires dont il y a vraiment un pin géant qui se trouve sur la boucle des crêtes. Donc, c'est quelque chose que les randonneurs vont là pour. Le territoire compte trois lacs, le lac Clair, le lac Jean-Baptiste, le lac des Îles. Le sentier il va mener à des belvédères qui vont offrir une vue sur les environs. Il y a de nombreuses rencontres avec des orignaux, des bambis et des castors qui sont possibles. Des bambis. Je trouve ça moins compliqué à dire. Elle a vraiment écrit ça, bambi. Ben oui, ça s'écrit là. On a donc 15 km répartis en 4 sentiers, 2 débutants, 2 intermédiaires. C'est ouvert toute l'année. Tarif est de 5 $ pour le parking, donc on remplit la minivan de plus de personnes possible et ça coûte juste 5 $. C'est avantageux comme ça. Oui. C'est situé à environ 45 minutes de l'université, puis on peut se rendre au www.grandepile.qc.ca pour plus d'informations. Et on termine avec Énergie CMB. Oui, c'est un centre qui s'adresse plus principalement aux adeptes de ski de fond en période hivernale. Donc, on va garder ça en note pour cet hiver. J'en reparlerai peut-être. Mais ça attire aussi les randonneurs pendant les 3 autres saisons. Le sentier suit le même parcours qu'un ruisseau. Pour les personnes qui vivent de nuit, il y a même un des sentiers qui est éclairé des lumières suspendues. Ouais. Donc, c'est vraiment ouvert ça toute la journée. Hein? Il me semble que je serais curieuse d'aller comme à 10 h du soir, voir de quoi ça a l'air. À 3 h du matin. Non. Ça fait peur. Il paraît qu'il y a un vieil autobus abandonné dans la forêt. Donc, petit suspense d'y aller pour voir ça. C'est 33,8 km répartis en 6 sentiers. C'est ouvert toute l'année, toute la journée. Gratuit, c'est environ 10-15 minutes de l'université. Là, c'est situé dans le territoire Trois-Rivières-Ouest de la ville. On peut écrire au energiecmb@commercialhotmail.com pour plus d'informations ou on peut aussi taper energiecmb sur Google puis il y a un lien de la ville de Trois-Rivières là, qui va sortir. C'est merveilleux. C'est ça. Voilà. Ben, c'est bien ça. Beaucoup de places où aller. Oui. Oui, beaucoup d'idées. Pas très loin aussi. Parle de Melville, Saint-Narcisse. Non, c'est pour vrai, c'est, j'aime ça. Oui. Très intéressant. Fun. It's fun, it's fun. Merci beaucoup, Émilie Gauthier. D'ailleurs. À la semaine prochaine, mardi. Oui. 8h30. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que là, le temps passe et puis on a du plaisir. Il nous reste environ 3 minutes à l'émission. Pas énormément de temps pour aller écouter une pièce, par contre. Pas énormément. Non. Alors, on a peut-être le temps si on en cherche une vraiment courte. On devrait faire une banque de pièces courtes, hein, ce serait pas pire. Ça. Ouais, tout à fait. Hein, ce serait le fun. Mais comme c'est pas le cas, on va juste remplir le temps. Sinon, mon. Non, vas-y, vas-y. Tu plugues? Non, vas-y. Mon disque dur, tu plugues? Non. Non? Ok. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'on patauge en ce moment dans l'inconnu. Et dans c'est vrai, les... c'est un peu ça qu'on disait. Ça a l'air un petit peu fou, mais c'est pas grave du tout. Ah, mais écoute, on va prendre le temps pour présenter notre émission de demain. Oui, qu'est-ce qu'il y a l'émission de demain, François-Olivier Marchand? Demain, on va recevoir Yann Martel et Marie-Pierre Deschênes qui vont venir nous parler de la journée carrière en enseignement. Qu'on avait parlé, ça doit faire peut-être deux ou trois semaines ici même à l'émission. Et c'est intéressant, il y a deux semaines, ça va l'être aussi demain. Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est sûr que demain aussi, on planche sur les moustaches. Oui. Et puis, on appelle le reste de la marmaille, si on veut. Quand nos petits-enfants, ils sont tellement heureux qu'on les réveille comme ça presque tous les matins. Ouais. C'est ça. Pas sûr qu'ils sont tant fans de ça. Moi, je sais pas. Pas sûr. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout un peu de ce qu'ils pensent. Hein. On les appelle, puis on les divertit. Puis on vous divertit à la radio aussi. Tout à fait. On essaie du moins. Et on remplit du temps des fois aussi. On remplit du temps. Demain, une chronique, c'est un fait aussi, je pense. Oui, tout à fait. Tous les jours, la plupart du temps, une chronique, c'est un fait. Demain, peut-être Kiwan qu'on va avoir par téléphone aussi. Ça se pourrait très bien. On promet plein de choses. Vincent Gauthier du Journal de Québec qui va venir une petite chronique des sports. Oui, on aime ça entendre parler de sport une fois de temps en temps. Moi, je suis là et j'écoute et je m'abreuve d'informations sportives pour après ça, la remettre de côté et puis repasser pendant une semaine, moins 30 minutes, moins 15 minutes. Mais j'ai une question pour vous, même s'il reste pas 30 ans. Vas-y. Je commence à être un peu épuisée de lieux de randonnée. Okay. Et pour ce temps-ci de l'année, c'est un peu difficile. Fait que je me demandais si j'effectuais la même chose que l'an passé, c'est-à-dire donner des conseils pour les raquettes qui te font rendu à ce temps-ci, c'est le temps des cadeaux de Noël, tout ça, est-ce que ça vous conviendrait? Oui. Hey, mais tu fais-tu du ski? Non? J'en fais beaucoup moins qu'avant. Ah, OK. Okay. Parce que ça aurait été fun d'avoir une chronique, peut-être, de présenter les centres de ski. sais, parce que ça, je pourrais checker. Ben non, mais je sais pas, je te lance ça comme ça directement à Londres. Ou, ben, il me reste assez de lieux, mettons, pour en faire demain et pour la faire la semaine prochaine, mais ça va être un peu short. Fait que si je rajoutais comme les quelques mots qu'il y a dans le coin, ça pourrait être intéressant. Ben, parfait, on s'en reparle de toute façon. On doit aller écouter les nouvelles de Radio-Canada. Merci Émilie, merci François-Olivier, merci à Mathieu Plante. Merci Maxime Lemularamy. On se retrouve demain 7h. Bye bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.